Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 33e Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On commencera cette émission avec Pantera et Sandbluster Skin. C'est sur le Great Southern Tranquil, paru en 1996. On peut entendre War Nerve, Drag the Waters et Underground notamment. Je passerai ensuite Funky Donkey des Beastie Boys, c'est sur l'excellent Hot Sauce Committee Part 2, sorti en 2011. On retrouve Make Some Noise, Say It, The Majors Come Again. Je diffuserai ensuite les Québécois d'Offenbach et le drôlissime Je Chante Comme un Coyote, c'est sur l'album Traversion, sorti en 1978. On peut entendre Je Le Sais Bien, Les Eaux Qui Dorment et Quand Les Hommes Vivront d'Amour, entre autres. On s'écoutera ensuite The Beatdown et le titre Justice, c'est sur l'album The Beatdown, sorti en 2010. On retrouve It's Alright, Get Ready, Tell Me Why, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Deathstones et Nosebleed, c'est sur l'album Adrenaline, sorti en 1995, en plantant Bird, Lifter et Birthmark notamment. Talk about some shit and I fucking tell it like it is. I don't know if you ever heard about, you know, how the philosophy of Pantera goes. We, you know, we don't give a flying fuck about it, the others. All we care about is our own. And all I've been saying for fucking years to all these stupid fucking experts, hey, you know what the experts are telling you? That heavy music is dead and gone below. Y'all do me a favor. Y'all do me a favor. Y'all turn around and look at each other right now. Y'all turn around and look at all these motherfucking people here. And obviously somebody's wanting to hear something that fucking these experts are telling you you ain't supposed to be hearing. All right, well, check this out. What? Our hit? This is our hit. This next song's our hit. You won't hear this next song anywhere but in your goddamn car, at home, or on this fucking stage, and that's the way it should be. Ladies and gentlemen, Vinnie Paul. Woo! Put this on a zip disc. Send it to your lawyer. File me on the funky. Like sipping lemonade and on no karma. Big holiday parties like Dolly Parton. Sometimes I get pad thai as a starter. My other order pets in you is much darker. At horror fits, I take a schvitz. I'm known for my glamour and my glitz. Chicken suckers, I really must skin crust. It's like a phone rush with diamond fairy dust. I don't wear Crocs and I don't wear sandals. The ball don't work cause the vandals took the handle. Stop singing that song in the wrong key. Why you like that? Get it all.

Vous êtes toujours dans la 33e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors, on vient de s'écouter Sand Blaster King de Pantera, Funky Donkey de Beastie Boy, Je chante comme un coyote d'Offenbach, les Québécois d'Offenbach, hein, pas les Français, Justice de Beatdown et Nosebleed de Deftones. On poursuivra cette émission avec Alice Cooper et Public Animal No. 9. C'est sur l'album Schools Out, sorti en 1972. On peut entendre Looney Tunes, Street Fight et My Stars notamment. On continuera avec Gutter Demon et Blood Fist, le blondâtre. C'est le nouvel extrait de l'excellent Unfinished Business, sorti en 2015. On peut entendre Tornado, Air Ride et Invaders notamment. Un très très bon album de Psychobilly. Allez faire un tour sur la page Facebook de Gutter Demons. On s'écoutera ensuite Too Much Confusion de Tiken Jaffa Coli. C'est sur l'excellent dernier appel sorti en 2014. On retrouve Le Prix du Paradis, War in a Babylon. Et Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal, mal. J'adore cet album. On poursuivra avec Hors Control et État d'Esprit en live. Et puisqu'on sera dans du bon son live, on y restera avec Dana Kid et Classical Option. C'est du live au Cabaret Sauvage en 2009. On peut entendre Chant de Rose, Résistance, Marley, entre beaucoup d'autres. Me! find a solution for the sake of our continent. We are living in this garden together. Children. Too much corruption in African nation. We have to find a solution for the sake of our continent. Partagez-vous. avec nos amis. On préfère ça plutôt que l'ennui. Ou un concert ou une guerre dans un esprit unitaire. Le poing levé, on crie notre solidarité avec les combats libertaires et tous ceux qui aiment la bière. Nous on est roll, on est roll, et on n'aime pas les soirées pourries. Nous on est roll, on est roll, et ça c'est notre état d'esprit. Nous on est roll, on est roll, et on n'aime pas les soirées pourries. Nous on est roll, on est roll, et ça c'est notre état d'esprit. Ce soir on veut s'éclater, et rien ne pourra nous arrêter. Personne ne nous fera la route, on fera la fête toute goutte. Ce qu'on sait, on l'a attendu, on va pour faire les bouts du cul. Pas rester à se faire chier, toute la soirée à s'inventer. Nous on est roll, on est roll, et on n'aime pas les soirées pourries. Nous on est roll, on est roll, et ça c'est notre état d'esprit. Nous on est roll, on est roll, et on n'aime pas les soirées pourries. Nous on est roll, et ça c'est notre état d'esprit. La la la la la la la la la la la. On attaque la fin. Fini. Le morceau qui vient s'appelle Skinhead. Bon bah oi alors. Ah Skinhead, oi bon. On fait quoi alors, oi? Bon oi. Alors c'est un morceau où il faut faire des la la la partout. Et là il aille, oi. Général Lévy, Danaki l'amigos, spécialement pour vous ce soir à Paris, big combinaison. Boom, yeah, run it. Blessed love every time worldwide. Blessed. Tana kill outside, gentlemen, leave it. I ain't gonna see a niceness. I will take no star. Yeah, yeah, yeah. Tana kill, oh, oh, yeah. Tana kill. This is my classical option. The one that I choose for every mission. This is my classical vision. The face of an angel with the heart of a lion. And who's my classical champion? Number one, Golden Hill sound. Sing classical champion. You got to live how you need to live. And you need to live how you want to live. Girl, you got a problem now. We listen and we overstand. But you know, my only doctrine is to hear musical medicines. Lead the way you like. Oh, so you like it hot, so take it hot. Classical option, the one that I choose for every mission. And this is my classical vision. The face of an angel with the heart of the lion. And who's my classical champion? Number one, General Levy sound. Sing classical champion. show the world how you're open-minded, yeah. To rise with our ladies and babies. We got to cure war from its disease. There's a lot of work to do, yeah, yeah, yeah. There's a lot of work to do. Only for general living. With the heart of the lion, and who's my classical champion? Yeah. Number one, General Levison, sing classical champion. Diggity pile, pile, pile, oh, oh, oh. C'est toujours dans la 33e Interflex sur votre radio favorite chaque semaine à la même heure. On vient de s'écouter Public Animal de Good Feast de Gutter Demons, Too Much Confusion de Tiken Jafakoli, État d'esprit de Hors Contrôle en live, et on enchaînait avec un autre live, Classical Option de Danakil. On continuera en live avec Alien Scab et Ice Peaks, c'est sur l'album Coming Soon sorti en 2014. Et le chanteur d'Alien Scab, c'est aussi le chanteur guitariste de nos amis de Fidel Fiasco qui nous écoute à Drummondville via archive.org. Salut à vous les cousins. Sur Coming Soon, on retrouve Yorick Wall, Escape et Coming Soon entre autres. Allez faire un tour sur la page Facebook des Alien Scab. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Je diffuserai ensuite Rock Game d'Enhancer, c'est sur l'album Désobéir sorti en 2008. On peut entendre Petite Main, Qu'est-ce qu'on va laisser, Banlieue Pavillonnaire, entre autres. Promis, je diffuserai d'autres Enhancer. Hâte de découvrir leur prochain album et ils vont repartir en tournée. Mais je ferai circuler les infos, promis. J'ai Binao qui m'a laissé un petit message à sa manière. Donc, je passerai ensuite Sarko de Be Now, c'est sur l'excellent Come to the Dark Side sorti en 2014. On peut entendre Fuck the What, Exploité et La Fille à Nelson Montfort. Et Ben, tu nous reprends un bon album de ouf comme celui-là. T'inquiète, moi je diffuserai. On s'écoutera ensuite Kind Pop Songs des Betotond, c'est sur l'album Anti-Rockstar sorti en 2001. On retrouve Kenish Alcohol, littéralement Roi Alcool, Blood et Gasoline notamment. Et on finira ce bloc en live avec Bob Marley and the Wailers et Rebel Music. C'est du live at the Rainbow en 1975. On peut entendre Lively Up Yourself, I Shot the Sheriff et Exodus notamment. I am made, let it all Certains se prennent pour des rockers, mais je ne vois que des rockers. Ok, bienvenue dans le rock. Okay. Tu veux du rock? Okay. Et par écoute du rap, tu veux des chocs? Okay. Fais voir de quoi t'es capable. Ton son a la puissance d'un réveil matin. C'est-à-dire qu'il est loin de me décoller de mon traversin. Je vois pas pourquoi tu t'emballes, tu te fais des scandales. Tu chier les matchs, chandales, en bas de pure, pas en sandales. Serait-ce meilleuse? Ouais, je joue trop popo dans ce buzz. Je les vois sur scène, standinés comme des go-go dancers dans rock'n'roll à la demi-molle. Tout juste bon à faire bondir un Pokémon. Mais un bémol, on fait des prods pour un démon. Fini le temps du rock, subversive. Je n'entends plus que des groupes. Super cible, tu sais que pour mon coup tu fais une super cible. Vas-y, baisse ton froc, que j'y balance un gros missile. C'est un homicide en rêve. Rocker punk, arc, on repasse pas de la vaseline sur les oreilles. On t'explose des tapons comme une même d'une même Bruxelles. La prochaine fois, lâche la guitare, fais du violoncelle. Moi, je suis pas la rockstar, n'essaie pas de faire la paix. Appelle l'ambulance, y'a le rock français, repose en paix. Et d'être sur coupe et des coupes, la fouine rap, c'est que l'on fait. Je suis pas la rockstar. Je suis pas la rockstar, n'essaie pas de faire la paix. Appelle l'ambulance, y'a le rock français, repose en paix. Et n'être sur coupé des coupes, la fouine rap, c'est que l'on fait. Je suis pas la rockstar. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, ça arrache. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le début de la conférence de presse tenue par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de ce sommet. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec Monsieur Poutine. Qu'est-ce que vous préférez? Je réponds aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Qu'est-ce que vous préférez? Je réponds aux questions? Alors, y a-t-il des questions? On paye mon loyer, l'électricité, le gaz, le téléphone, l'habitation. Qu'est-ce qu'on fait avec même pas 10 000 euros par an? Qu'est-ce que vous préférez? Je réponds aux questions? Des questions. Que moi je voudrais bien avoir ces 25 000 euros à lui par mois. Moi-même, j'ai essayé de comprendre quelle était la problématique. Par mois. Moi-même, j'ai essayé de comprendre quelle était la problématique. Moi, je dis que c'est pas un homme, c'est un pantin d'un qui s'occupe pas de la France. Il a pu être élu, et en plus de ça, c'est un monsieur très prétentieux. Then we get caught in a roadblock and tell the Mr. Police that ain't got no bird surfer ticket right here. Vous êtes toujours dans la Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon et c'est la 33e. On vient de s'écouter I Speak de Alien Scab, Rock Game de Enhancer, Sarko de Be Now, Kind of Pop Song de Beto Tond et Rebel Music en live de Bob Marley. Alors, j'ai un petit message. Si vous, tous les musiciens que je diffuse, connus ou moins connus, si vous aviez la gentillesse de me faire un petit jingle là, comme il a fait Ben, à votre façon, à vous, à votre sauce, à vous, vous me les envoyez, ça serait super cool. Ou est-ce que vous pouvez me les envoyer sur la page Vampire Freaks d'émission radio? Merci. Alors, je suis content. Le collectif FOV va sortir un live le 1er avril prochain. Il s'appelle 150 900. En fait, c'est le nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru pendant la tournée 2015. Aujourd'hui, je diffuserai le premier extrait et c'est Blizzard. Je passerai ensuite Primus et Too Many Puppies. C'est sur le superbe Frizzle Fry, sorti en 1990. C'est le premier album studio de Primus. On retrouve Mr. Know-It-All, Pudding Time, John the Fisherman. On s'écoutera ensuite du son vinyle de 2015. Ce sera The Fish Cut et Ten Step Back. C'est un 45 tours split avec Idol Gossip, donc deux groupes québécois. Promis, je diffuserai d'autres extraits. Et on continuera cette émission en ska avec Bad Manners et Only Fun King. C'est sur l'album Gush It's Bad Manners, sorti en 1981. On peut entendre Walking in the Sunshine, Can Can et Casablanca. Et on finira ce bloc en live avec Hubert Félix TFN et Garbo XW Machine. C'est sur l'Homo Playbis Ultimate Tour de 2012. On retrouve Lorelai Sebastocha, Soleil Cherche Futur, Les Gangs et les Paumés, entre beaucoup, beaucoup d'autres. Et oui, c'est un double album et c'est le 8e album live de TFN. Tout ça c'est fini.

sales of Brandy number one. But I'm so to make private smell like flowers. Do you look the way you see yourself in your dreams? Yeah. D'amour dévalué, m'ont laissé des larmes à crédit. Et maintenant je viens m'annuler devant ton lapis d'azur. Prends mon pion dans ton circuit, garde et double mes machines. Prends mon pion dans ton circuit, j'aime dans ta froideur féminine. Prends mon pion dans ton circuit, garmonique double mes machines. Machine, machine, machine. Ne me dis pas que tes anglais ont attaqué ta forteresse, que je dois déclarer forfait avec mon Doberman en laisse. T'es la disciple de Jésus, je boirai le sang de ta plaie et deviendrai le vampire nu dans le coffre de tes jouets. Oh, prends mon pion dans ton circuit, herboïs double des machines. Prends mon pion dans ton circuit, j'aime dans ta froideur féminine. Prends mon pion dans ton circuit, garde X double mes machines. Machines, machines, machines. Je laisse me déchirer, m'arracher la chair et les os, me greffer d'infernales idées dans le gouffre de mon cerveau, tandis que mes doigts sous ta soie chercheront la corde sensible, celle qui remonte jusqu'à ta voix en hurlant au cœur de ma cible. Circuit Garbo X double mes machines. Prends mon pion dans ton circuit, j'aime tant ta froideur féminine. Prends mon pion dans ton circuit Garbo X double mes machines. Machines. Prends mon pion dans ton circuit Garbo X double mes machines. Prends mon pion dans ton circuit, j'aime tant ta froideur féminine. Prends mon pion dans ton circuit Garbo X double mes machines. Prends mon pion dans ton circuit, garde-moi, tu peux les machines. Merci. Vous êtes toujours dans la 33e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter la version live de Blizzard, de Fauve, Too Many Puppies, de Primus, Ten Spot Back, de Duffy's Cut, c'était du son vinyle, Only Funkin, des Bad Manners, c'était un live, je sais pas si ça s'est bien entendu, et Garbo XW Machine de, en live de TFN. On poursuivra cette émission avec Le Peuple de l'Herbe et Lion's Youth, c'est sur l'excellent PH Test 2 sorti en 2002. On peut entendre Delisk, Escape Dub, Blunted entre autres. Je passerai ensuite Typisch Ich des Fantastischen Vier, c'est sur l'album Record sorti en 2014. On retrouve Heut, Last Zin et Spiel ist aus notamment. On s'écoutera le dernier Scapé, tiens, ça vous dit? Allez, alors ça sera Scapa, c'est sur l'album 99%, enfin bref, 99%. On retrouve Alibaba, Marina Leda, Chudadano, Papagayo, entre autres. Je diffuserai ensuite un bon vieux Dillinger, ce sera The General, c'est sur le cultissime CB200. Autrement dit CB200, sorti en 1976, on peut entendre No Check It, Powerbank, Natty Kick Like the Lightning, entre autres. Et on finira ce bloc en live et en vinyle avec Iron Maiden et Running Free, c'est sur le classique et même grand classique Live After Death, sorti en 1986. On peut entendre Ace's Eye, The Number of the Beast et Flight of Icarus notamment. Hey, hey, hey. Meine Themen, die sind nicht bequem, es fängt an mit sich nicht wichtig nehmen und endet noch längst nicht mit sich hingeben. Da geht auch der Trend zum sie nicht bewegen, bin ich immer noch Fan vom richtigen Leben, denn ich steh mittendrin oder dicht daneben. Doch egal wo ich bin, gilt für mich die Regel, was immer geschieht, ich bin nicht dagegen, denn ich hab's kapiert, es passiert nur mir deswegen. Viajamos sin control y sin autoridad. Es la única estación que se llama libertad. pedagogía, la más dulce melodía. Cambiemos los valores de una sociedad podrida. Pongamos rumbo fijo y a volar, bailando a ska. Set up yourself, Jantan. said the days of reckoning is at hand. So let's get together and sing this song. Thank you. Alors, on vient de s'écouter Léon Siouf du Peuple de l'Herbe, Typisch Ich du Fantastic Genevieve, Scappa de Scappé, du General de Dillinger et Running Free en vinyle et en live d'Iron Maiden. Et oui, ça cracouille, ça croustille, c'est bon ça! Cette 33e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Continuez à envoyer vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et on finira cette émission avec X and Ambassadors et Renegade. C'est sur l'album VHS sorti en 2015. On retrouve aussi Unsteady, Fear et Gorgeous. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu! Come close and